soirée organe. Soirée orgasmique. Si tu bouges pas, t'es mort, tu pourras pas retenir toutes tes métaphores. Mais j'ai pas bougé, alors j'écris sur tes pommes d'amour, sur tes oreillers. Et je te dis que Rome ne s'est pas construite en un jour. Toi, ça fait une vingtaine d'années que Dieu te façonne. Toi qui dis mes tapons volonté, je confonds tes corps. Mes yeux ne veulent pas se lever. Tes yeux de force pourraient We'll be right back. Yeah. Pedro. Thank you. besoin de rêve. Quand chaque matin ma vie m'achève, une ellipse entre la naissance et la mort, une éclipse. L'erreur, c'est quand tu t'en rends. Thank you.